Hey, ma génération se tape des grecs à n'importe quelle heure. Pourquoi drive bio? Un Glock ça se trouve au coin de ta rue. Pourquoi faire de l'aïkido? Génération verlan, bafouant la langue de Molière. Et cette foutue manie de jurer sur la tête de nos mères. Génération DBZ, nerveux à la Vegeta. Chez moi on t'arrache le bras pour un PCTA. Ah, génération AB du Pelé, George Weah. Pour ne pas louper le classique qu'on donnerait corps et âme. Génération Bicra, tu sais pour arrondir les fins de mois. Ce qui causera ta perte c'est ta fin de gloire. Génération SMS, PES, FIFA. Génération SLS, CLS, Chicha. Génération 210 sur la A6. Génération qui ne ricane pas à tes blagues racistes. Oh. Génération charge la barre sans péter le poignet. T'inquiète chérie, bientôt je te fais l'amour sans mes poignets. Génération lunatique, arsenic, time bomb. C'est pas les chants du coq qui nous réveillent, c'est les pimpons. Génération, t'es pas au courant pour frelo? Wesh, prends son adresse, mais t'inquiète là-bas, il garde la pêche. Génération le parrain, la haine est Scarface. Ce qui explique un peu qu'on ne refuse jamais face to face. Cupidon nous a laissé en chien, il s'est fait la malle. Génération 4 pattes, pénétration anale. Ne parle pas mal de ma génération. Nico n'y est pour rien, c'est de la faute à la fédération. Ben ouais, génération postichée sur le bitume. On croit en nos rêves, donc tous les matins on se réveille la bite dure. Oh. Génération drogue douce, c'est qu'il s'appelle Hashish. Carburo Jack Daniel sous Allo Aziz, Pomme Cassis. Génération 80, CF. Me check pas de l'épaule si t'as bêté ma part du PNF. Génération pour un regard bizarre, ça chiffonne. Tous parano, on ne communique que via le taxiphone. Génération hip-hop, beatbox. On se fend la poire sur du debout, pas trop sur du boss. Génération Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme. Génération broliquée sans le permis de port d'armes. Génération qui charbonne à la caisse ou à l'usine. T'inquiète, je me vengerai sur ta fille, tous ces contrôles abusifs. Narcissique, un classique, ça en a le goût. Tu sens un scud qui n'a peur que de la présence du tout puissant. Tout comme ma génération. Hey. Pour se faire entendre, on gueule. Normal à fond dans le casque, on écoute Jackson Michael. C'est ma génération. Le seul duc de Johnny qui parle à ma parisienne banlieue, c'est allumer le feu. C'est ma génération. Bellec dans le rue, ça tire, mais pas que des balles. Des putains de frappe en pleine lucarne. C'est ma génération. Allergique au gyrophare et sûrement pas au pollen. Passe l'info à tes collègues, c'est ma génération. On fait pas toujours le bon choix, mais on assume. On bosse pour la mif et nos cassures, c'est ma génération. Parle encore Karcher, on te fait le remake de 2005. Je n'insulte personne, c'est un constat simple, c'est ma génération. On donne du fil à tordre aux forces de l'ordre. Respectez-nous et on respectera vos codes. C'est ma génération, c'est notre manière d'exprimer notre mécontentement. Une vie aux méthodes du bout en clan, c'est ma génération. 1980, c'est ma génération. 81, 2, 3, c'est ma génération. 4, 5, 6, 7, c'est ma génération. 8, 9, big up ma little génération. 1, c'est ma génération montante.